Les neurosciences versus la science de l'esprit. Voilà le titre du texte dont je vais faire la lecture dans les prochaines minutes. Vous allez pouvoir le retrouver en cliquant sur le lien qui figure en bas de l'enregistrement présent que vous entendez. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Les neurosciences, bien qu'elles puissent servir à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau sur le plan physique et la façon dont il traite les informations, ne peuvent pas et ne pourront pas expliquer l'origine de la pensée en partant du principe intellectuel que le cerveau génère les pensées. Elles proviennent plutôt d'une dimension de réalité qui est au-delà du plan physique et qui ne peut pas être appréhendée pleinement par ce dernier étant plus limité. Le plan physique renferme qu'une partie infime de la réalité, il est impossible de toute l'appréhender à partir de lui. La multidimensionnalité du réel ne peut pas être cernée à partir de l'intellect qui analyse et réfléchit en relation avec l'activité du cerveau sur le plan physique. Il ne capte qu'une partie infime de la réalité, comme l'oreille physique humaine, qui ne peut entendre qu'une partie limitée des sons qui existent. Par exemple, le champ auditif des humains s'avère plus restreint que celui des chiens qui peuvent entendre des sons plus aigus, soit des ultrasons. Au fil des ans, la compréhension intellectuelle des gens du fonctionnement des composantes du cerveau se raffine, notamment par des développements technologiques sur le plan physique, comme celui de l'électroencéphalogramme, servant à évaluer l'activité électrique du cerveau. Elles permettent de cerner avec plus de précision son activité et pallier à certaines lacunes des perceptions sensorielles humaines pour appréhender le monde. Bien qu'il soit possible de percevoir avec de plus en plus de précision l'activité neuronale en relation avec la présence de la pensée, activant certaines zones du cerveau, il n'est pas envisageable de percevoir la pensée a priori. La pensée ne pourra pas être détectée par des appareils physiques, même s'ils sont de plus en plus sophistiqués et qu'ils permettent de bonifier les perceptions physiques humaines, étant donné qu'elle ne provient pas du plan physique. Bien que la pensée puisse agir sur lui et qu'on puisse détecter avec de plus en plus de précision l'activité électrique qui en découle avec des appareils, l'individu en tant que conscience habitant le plan physique est une interface entre le plan physique et celui psychique. Il est le pont entre le monde de l'esprit et celui biologique. Le cerveau biologique a été conçu pour recevoir des pensées et les traiter de manière à générer des actions du corps, des émotions, des sensations, des paroles, etc. sur le plan physique. Le cerveau n'a jamais produit de la pensée. Il n'est qu'un outil de traduction de cette dernière qui provient du plan éthérique. Les neuroscientifiques sont ou seront confrontés aux limites de leur science intellectuelle, si ce n'est pas déjà fait, et devront reconnaître, tôt ou tard, qu'ils ne peuvent pas pleinement cerner le phénomène de l'origine de la pensée à partir de l'intellect et des technologies physiques, ce qui permettra d'appréhender cette réalité avec efficacité. C'est celle de la cerner à partir d'une conscience vibratoire de nature multidimensionnelle permettant de vivre un contact conscient avec la source des pensées se trouvant sur le plan éthérique, étant au-delà de celui physique. Il permet d'avoir un recul par rapport à cette réalité. Comme la conscience vibratoire n'est pas accessible présentement à un grand nombre de personnes sur le plan physique au moment où ces considérations sont tenues, elle ne peut pas être évoquée comme élément explicatif crédible et faire consensus dans les milieux scientifiques de gens qui cherchent à appréhender seulement le monde à partir de l'intellect. Il n'est pas possible pleinement d'appréhender le cerveau à partir du cerveau. Cela mène à une impasse. Les gens qui vivent la conscience vibratoire peuvent entrer en résonance avec des explications venant de cette réalité, faisant écho à un savoir vibratoire qu'ils ont accès en eux. Ceux n'y ayant pas accès peuvent soit y croire ou douter, car ils ne savent pas vibratoirement en n'ayant pas accès au plan vibratoire consciemment pour s'appuyer sur ce dernier pour évaluer la qualité des explications. S'ils sont ignorants et croient, ils risquent de sombrer dans la croyance aveugle donnant place à des cultes et à du conditionnement. S'ils doutent, ils risquent de se fermer à tout type d'explication ne s'inscrivant pas dans un cadre scientifique répondant à des normes intellectuelles strictes et leur vision est limitée. Par contre, dans cette deuxième optique, ils sont protégés des dégâts pouvant être engendrés par la croyance. Comme la conscience vibratoire chez l'individu est engendrée par l'activité de l'esprit en lui et non par son désir, ce n'est pas qui veut savoir qu'il peut, mais seulement ceux qui sont sélectionnés par lui. Donc, une personne ne peut pas amener des neuroscientifiques à accéder à une compréhension de la nature de la pensée pour qu'elle soit reconnue par leur communauté scientifique comme réelle en relation avec un vécu anecdotique d'une conscience vibratoire individualisée, s'ils n'ont pas à l'expérimenter dans leur existence présente. Car, comme l'indique un principe, le semblable ne peut être connu que par le semblable. Donc, pour cerner les propos venant d'un individu ayant une conscience vibratoire, il faut en avoir une. L'individu qui se conscientise ne peut pas changer le collectif pour qu'il accède à une conscience vibratoire. Donc, il est inutile de vouloir convaincre la communauté scientifique de l'existence de la conscience vibratoire si elle ne le vit pas, car cela reviendrait à vouloir lui imposer des croyances. Par contre, la personne qui en a la vibration peut diffuser l'information que cela existe sans chercher à l'imposer à autrui. Ensuite, les gens qui l'expérimentent vont entrer naturellement en vibration avec elle, car elle va faire écho au savoir auquel ils ont déjà accès en eux. Donc, ils vont pouvoir, par eux-mêmes, valider sa pertinence sans sombrer dans la croyance ou le doute. Les gens vont s'éveiller à cette réalité un à un au fil du temps. L'individu conscient n'a pas besoin de la reconnaissance ou de l'approbation sociale de la communauté scientifique et des neuroscientifiques pour pouvoir avoir un sens de son identité propre. Il n'a pas besoin du soutien du collectif pour supporter son savoir. Il a un sens de l'identité suffisamment vaste pour se supporter lui-même. Il est compréhensible que des scientifiques aillent dire que tout ce qui se rapporte à la réalité vibratoire ou les expériences paranormales, expériences de sortie hors corps, télépathie, remote viewing, etc., n'étant pas reconnu par la science officielle, reposant sur une manière intellectuelle d'appréhender le monde, s'avère le fruit d'hallucinations parce qu'ils ne vivent pas cela. Ce genre de phénomène ne font pas alors sens pour eux. Comme ils ne peuvent pas les appréhender avec l'intellect, il y en a qui vont préférer nier leur existence. S'ils étaient amenés à expérimenter ce genre de phénomène alors qu'ils ne sont pas prêts, cela serait plus nuisible qu'utile pour eux et cela engendrerait des chocs difficiles à équilibrer par la suite en vue qu'ils aient une vie fonctionnelle après en société. Par contre, en ne les expérimentant pas, ils ne peuvent pas comprendre totalement les gens qui vivent de telles expériences et ces derniers peuvent se sentir incompris par eux. Il peut en découler du mépris, du rejet et de la stigmatisation sociale des expérienceurs de phénomènes jugés par certains comme étant étranges. Il n'y a pas de situation parfaite pour les gens qui font l'expérience de réalités qui sont voilées pour d'autres. D'un côté, cela leur donne accès à une compréhension de la réalité plus vaste qui va enrichir leur vécu, mais d'un autre, cela ne leur permet pas de se sentir normaux à la différence de la majorité des individus de la société qui ne vivent pas de telles expériences. Sinon, il n'est pas nécessaire d'avoir une compréhension intellectualisée du fonctionnement des différentes zones du cerveau et de ses composantes d'une perspective neuroscientifique pour pouvoir l'utiliser. Cela est au même titre qu'il n'est pas nécessaire de savoir comment fonctionne le moteur, les freins et autres composantes d'un véhicule automobile pour pouvoir le conduire et l'utiliser. Néanmoins, ce type de compréhension fonctionnelle peut être utile pour la personne qui est appelée à appréhender le cerveau ou le véhicule automobile d'une perspective intellectuelle en vue de la réalisation d'un travail particulier, comme celui d'enseignant ou de vulgarisateur scientifique. Lorsque tous les gens sur Terre vivront de la conscience vibratoire, la science intellectuelle aura progressivement disparu. Rendu à ce stade de développement de conscience, ce qui était autrefois vu comme paranormal sera alors la normalité, étant donné qu'ils pourront les appréhender psychiquement, les phénomènes qui étaient autrefois perçus comme mystérieux. De plus, il y aura alors des consensus scientifiques qui seront faits sur la base de consensus psychiques faits auprès d'une masse critique atteinte d'individus vivant d'une conscience nouvelle. C'est une question de temps avant que cela arrive, car le nombre de gens vivant d'une conscience vibratoire et absolue est appelé à augmenter progressivement avec le temps. Néanmoins, d'ici ce moment, les neurosciences sont utiles pour apporter une compréhension intellectualisée du fonctionnement du cerveau physique, à défaut de rien ou d'appréhender le cerveau à partir de croyances pouvant être très retardataires. Il est intelligent que des gens puissent l'étudier de façon intellectuelle à partir de cette science relative. Donc, les neurosciences peuvent avoir une fonction temporaire avant d'être remplacées par la science vibratoire de nature intégrale et multidimensionnelle permettant d'appréhender la totalité du phénomène humain. Voilà ce qui termine la lecture du texte que vous pouvez retrouver, comme mentionné précédemment, en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute.